bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue dans le cours de l'histoire. L'Arménie est dans l'actualité, une actualité douloureuse. Aujourd'hui dans le cours de l'histoire, nous allons parler du génocide arménien. Mais faire l'histoire de la mémoire du génocide arménien, c'est commencer par faire l'histoire du silence et de l'oubli. Nous allons en parler tout de suite dans le cours de l'histoire. Le cours de l'histoire, Xavier Mauduit. Comment prononcer le nom de la capitale de l'Arménie ? Erevan ou Erevan ? Yerevan ou Yerevan ? Et pourquoi pas Erivan ou Erivan ? Sur ce point, le poète peut nous être utile. En 1956, Louis Aragon écrit des strophes pour se souvenir, titre d'un poème qu'il dédie à ceux de l'affiche rouge, les résistants du groupe Manouchian, fusillés pendant la Seconde Guerre mondiale. Adieu la peine et le plaisir, adieu les roses. Adieu la vie, adieu la lumière et le vent. Marie-toi, sois heureuse et pense à moi souvent, toi qui vas demeurer dans la beauté des choses quand tout sera fini, plus tard, en Erivan. Erivan rime avec souvent. Alors donc Erivan, bah oui, disons-le avec Aragon, le poète a toujours raison pour les Arméniens et plus encore, Erivan, Yerevan, Erivan, peu importe du moment que le nom est dit avec le cœur. Robert Guédiguian, bonjour. Oui, bonjour. Comment prononcez-vous le nom de la capitale de l'Arménie ? Yerevan. Vous dites Yerevan. Yerevan, oui. Aujourd'hui nous allons évoquer la mémoire du génocide arménien. Et comme vous êtes réalisateur et vous vous êtes intéressé sur cette mémoire-là, notamment avec votre film Une histoire de fou, je voudrais savoir, vous personnellement, dans votre histoire personnelle de vie, à quel moment le génocide arménien est apparu dans cette mémoire véhiculée de manière familiale ou avec des amis autour de vous ? En fait, à part quelques sentiments d'appartenance à cette arménité comme ça, qui sont très liés à la fréquentation de mes grands-parents, grand-oncles, grand-tantes, enfin, tous ces Arméniens que j'ai connus à Marseille, il y en a une communauté arménienne très forte, mais donc à des souvenirs tout à fait... linguistique, culinaire, en fait. Mes grands-parents parlaient en arménien entre eux pour pas qu'on comprenne lorsqu'on était petit. Mais ils nous ont évidemment, comme souvent les premières générations, jamais rien raconté. Quasiment rien, donc... j'y suis, en fait, grâce au cinéma, j'allais dire, parce que mon premier film, j'avais 25 ans, et j'étais à Cannes, à la quinzaine des réalisateurs, et la critique était bonne. J'ai eu un coup de fil, je sais même pas comment il a trouvé mon téléphone, mais j'avais un grand oncle qui s'appelait Théodore, qui m'a appelé, j'étais encore à Cannes, en train de faire l'interview, la promotion, etc. Et il m'appelle et il n'arrivait pas à parler, il pleurait. Et je lui dis, ben, pourquoi tu pleures? C'est un jour heureux, la critique est bonne, tout va bien pour moi. Mais il me dit, je pleure parce que tu as gardé ton nom. Tu n'as pas changé de nom. Et ça prouve que les Arméniens existent encore. Chaque fois qu'un nom arménien et dans les journaux, et dans la presse, et dans les médias, chaque fois qu'on lit un arménien, on se dit que le génocide a raté. C'est très fort ce que vous nous dites, Robert Guédiguian. C'est la foi, voilà, c'est là où je me suis dit, mais je l'ai vu après, bien sûr, d'ailleurs, et lui, il avait des sanglots dans la voix, quoi, c'était... Et au fond, évidemment, je savais un petit peu des choses, je savais que j'étais d'origine arménienne, tout, mais c'était pas... jusqu'à cet âge-là, c'est-à-dire, c'était pas si présent que ça, en fait. Anouche Kunt, bonjour. Bonjour. Vous êtes historienne chargée de recherche au CNRS, chercheuse à l'Institut de recherche interdisciplinaire sur les enjeux internationaux, médaille de bronze du CNRS 2020, bravo à vous. Vous êtes l'auteur d'Exil arménien du Caucase à Paris 1920-1945, notamment, et d'autres livres aussi, Anouche Kunt. Nous entendons Robert Guédiguian nous donner son témoignage, son parcours personnel et notamment cette mémoire. Un, de l'identité arménienne et deux, du génocide. Dans les communautés que vous avez étudiées, les communautés arméniennes, il y a quelque chose à souligner qui m'a étonné, c'est que la mémoire est extrêmement divisée, ne serait-ce que en raison de la géopolitique. L'Arménie est elle-même divisée. Alors tout dépend de la période à laquelle on se place. Elle est très divisée autour de cette question de l'Arménie, du devenir de l'État arménien. elle est divisée autour de cette question dans l'entre-deux-guerres, à l'issue de la Première Guerre mondiale, donc qui voit disparaître l'Arménie turque et qui voit disparaître aussi l'État indépendant qui avait pu se former en 18 dans l'ancienne Arménie russe. Et ce destin extrêmement heurté de l'État arménien ou des projets d'indépendance de l'indépendance arménienne polarise extrêmement fort la diaspora. Mais ensuite, ces clivages se résorbent sur la longue durée et les tensions auxquelles vous faites allusion sont moins vives et certainement pas autour de la question du génocide qui, en fait, est davantage un point de ralliement des mémoires. Point de ralliement des... précédemment. La question de l'État, de l'avenir étatique de cette nation dispersée. En effet, au début du XXe siècle, l'Arménie peut être divisée, pour simplifier, mais entre les Arméniens de l'Empire ottoman et ceux qui dépendent de la Russie sous domination russe. Et ceux sous domination russe ne connaissent pas le génocide, mais ce génocide se construit dans la mémoire de l'ensemble des Arméniens. Je voudrais que nous écoutions un témoignage que vous avez recueilli à Nouchkount. C'est celui de Catherine Adamov. Dans le cours de l'histoire, il nous est lu par Olivier Martineau. Le génocide... Si vous voulez, nous, on ne l'a pas vécu. On n'a pas de victimes du génocide dans la famille. Mais à partir du moment où j'ai compris que j'avais 50% de sang arménien, et où je me suis passionné pour l'Arménie, la littérature, où j'ai fait des recherches aussi, je suis allé là-bas. À partir du moment où j'ai intégré l'Arménie dans ma pensée, dans mon cœur, j'ai commencé à lire sur le génocide. J'ai lu énormément. Dont le célèbre 40 jours du Mouzadak que vous connaissez sûrement. Et je l'ai presque pris à mon compte à ce moment-là. Pour moi, il fait complètement partie de ma vie. Complètement. Olivier Martineau qui nous disait donc ce témoignage de Catherine Adamov, née d'Elestorski. Donc là, nous sommes évidemment avec ces consonances dans le monde russe. Robert Guédiguian, ce témoignage, en fait, est un peu un écho à ce que vous nous disiez il y a quelques minutes. C'est-à-dire, vous, c'est la réflexion, le cinéma, cet appel d'un oncle qui vous a éveillé. Là, c'est une lecture. Oui, mais c'est vrai que c'est, c'est un peu une règle universelle que les gens qui ont subi des traumatismes aussi forts qu'un génocide, une extermination, que des guerres, etc., sont en général, je crois, en fait, c'est la phase de Lacan, hein, on ne vit que de l'oubli. C'est-à-dire qu'il y a, pour se refaire tout de suite dans un autre pays une vie, je crois qu'il faut oublier. On ne peut pas vivre dans la douleur reconstituée tous les jours de ce qu'on a vécu et souffert. Donc il faut oublier. Évidemment, la génération d'après n'a pas souffert, mais veut se souvenir, elle. Et même on ne peut vivre que dans le souvenir. Elle reprend à son compte, donc, la parole tue. Des parents, donc c'est ça s'est passé, je crois, dans beaucoup d'autres cas. J'ai l'impression que ça se passe toujours de cette manière-là. Les premières générations se taisent, les secondes parlent. Pour la raison que je viens d'évoquer, un peu de entre guillemets d'ordre psychanalytique, mais je crois qu'elle parle aussi parce que les secondes générations ont les moyens de parler, c'est-à-dire les moyens. La seconde génération d'Arméniens, ils sont évidemment Toubi, Bentelo. Ils ont la parole, puis ils sont allés à l'école, etc., etc. La première génération qui arrive, même quand elle est cultivée, se retrouve, mes grands-parents vendaient des œufs et mon grand-oncle travaillait sur les quais comme ferrailleur. Donc évidemment, par contre, leurs enfants, mes cousins sont polytechniciens, on a tous fait des études, etc. Et on a les armes, en fait, aujourd'hui, pour parler. Ce phénomène générationnel qu'évoque Robert Guédiguian, à Nouchkount, en étudiant la diaspora arménienne, vous notez le même procédé, c'est-à-dire la première génération, celle qui a vécu le génocide, n'en parle pas, et puis les générations suivantes se mettent à en parler? Alors, tout dépend à qui on parle ou on ne parle pas. Ce qui est important de rappeler dans le cas des Arméniens, c'est qu'à l'issue du génocide, ils sont dispersés, contraints à l'exil, et donc ils arrivent dans une diversité de pays comme étrangers. Donc il est bien évident que ce contexte-là, qui est un contexte politique et doublé d'un contexte social, d'un déplacement dans les langues également, ne va pas favoriser l'expression d'un récit sur ce qui vient de se produire et qui est par ailleurs l'événement génocide lui-même, dont on a beaucoup parlé pendant la guerre et à l'issue de la Première Guerre mondiale, tant que la conférence de la paix s'est tenue à Paris, subitement disparaît du champ des représentations, du champ des débats. Je pense ici, en tout cas, à la société occidentale, enfin aux sociétés qui débattaient encore de la question de ce grand crime, de la manière dont on pouvait éventuellement le juger. Tout ça, à partir de 1923, après le traité de Lausanne, est complètement, disparaît du champ du débat. Et puisqu'il y a notamment une amnistie qui est proclamée et en annexe du traité de Lausanne et qui permet donc d'effacer les crimes qui se sont produits durant la Première Guerre mondiale. En 1900. Donc dans ce contexte-là, on élabore. Oui, pardon. J'allais dire en 1915, effectivement, ce génocide a commencé dans l'actuelle Turquie. Nous étions alors dans l'Empire ottoman et le traité de Lausanne qui règle en fait ces conflits de la guerre met de côté ces traumatismes et notamment le traumatisme algérien sans prendre conscience que cela crée un autre traumatisme. Oui, alors sachant que ce traité avait été précédé du traité de Sèvres en 1920, qui lui envisageait bien au contraire la tenue d'un tribunal pénal international d'un genre nouveau. Et justement parce qu'on s'accordait à reconnaître une spécificité à ces crimes qu'on ne savait pas forcément juger encore, puisque le droit pénal international n'avait pas de catégorie pour appréhender un crime d'État. Mais la question était posée. Et elle est posée dans le traité de Sèvres, qui ne sera pas ratifié, puisqu'il est donc annulé, remplacé par celui de Lausanne, qui enterre cette question. Et là, ça emporte des conséquences de longue durée. Et notamment, parce que les Arméniens ne sont plus traités en victimes auxquelles on aurait reconnu des droits, et notamment un droit à la parole, et jusqu'à présent on avait pu solliciter des témoignages pour instruire les premiers procès qui se sont tenus en Turquie à partir de 19. Mais c'est vrai qu'après Lausanne, ils sont assignés au silence. Leur parole et tout ce qu'elle pouvait entraîner en termes de réparation, de reconnaissance du crime subi, cette parole-là est effacée, et ravalée. Et puis elle s'accompagne donc de cette dispersion à travers le monde. Quand je parle de parole, c'est aussi la perte de parole politique. Ils sortent de l'arène politique en quelque sorte. Et donc tout ça explique que quand bien même ils auraient des choses à dire, et de fait ils ont des choses à dire, et ça circule néanmoins dans certains cercles de la communauté, eh bien ça n'est pas audible pour l'instant. Voilà. Et donc c'est pour ça qu'il faut replacer ce contexte qui redouble la violence par une violence symbolique, par une violence spatiale aussi, puisqu'il y a cette contrainte de l'exil qui implique de reconfigurer l'existence à l'étranger avec des impératifs de survie matérielle, il faut avant tout trouver du travail, subvenir à... Les Arméniens sont par ailleurs spoliés de tous leurs biens. Il faut reprendre les choses depuis une béance qui va néanmoins leur permettre d'avancer. Mais certains sombrent dans ces béances. C'est aussi ce que je peux voir, moi, en travaillant sur les archives des hôpitaux psychiatriques. Et on voit d'autres... mais je laisse peut-être ça pour plus tard, mais on voit en s'adressant aux malades qu'il y a une parole blessée qui parvient à se dire et à percer ce silence dans l'entre-deux-guerres. Une parole blessée, une parole qui étude pour ce génocide qui commence en 1915, qui a fait, il faut le rappeler quand même, plus d'un million de morts, 1 500 000 morts. Et justement, cet après-première guerre mondiale est un moment essentiel. D'ailleurs, Robert Guédiguian, dans votre film Une histoire de fou, donc un film sorti en 2015, le film qui se déroule dans les années 1980, commence en réalité en 1920, parce que vous êtes intéressé à un moment important de la mémoire du génocide, puisque nous sommes juste presque pendant, même, oui. Parce qu'on peut dire que le génocide s'arrête en 1923, avec la première action. Oui, c'est la... je tenais à commencer le film par l'attentat commis par Télirian contre Talat Pacha, qui Talat Pacha étant un des personnages principaux du génocide, et qui est effectivement qui vit ses jours heureux à Berlin, et qui est assassiné dans la rue à bout portant et dont le procès est exemplaire à plusieurs titres. D'ailleurs, c'est le effectivement à ce moment-là on dit crime contre l'humanité, je crois, dans le procès, autant que je me souvienne. Mais on ne dit pas effectivement génocide, le mot n'existe pas. D'ailleurs, Lemkin et qui a lui forgé le concept a assisté à ce procès. Puisque Téhéran, évidemment, reconnaît immédiatement avoir tué Talat Pacha. Il le revendique, il dit même au procès, si c'était à refaire, je le referais. Et le procès devient, en fait, grâce aux témoins convoqués, devient une longue exposition, en fait, des faits, quoi, un grand témoignage sur le génocide, sur sa réalité. Et le jury, qui est un jury populaire, contre toute attente, en fait, acquitte Téhéran. Donc il y a quelque chose de tout à fait évidemment exemplaire dans ce... C'est la morale contre le droit d'ailleurs. Le juge lui-même dit au... sent bien que le jury en fait va acquitter Téhéran et dit ben enfin on ne peut pas l'acquitter. Il doit peut-être pencher pour une petite peine, mais enfin il demande au jury de ne pas l'acquitter. Et le jury acquitte en fait Téhéran, qui sort évidemment triomphalement et qui est pour tous les Arméniens du monde un héros. Chez les coiffeurs, chez des petits commerçants, des épiciers à Beyrouth, dans le quartier arménien, il y a la photo de Téhéran partout, quoi. Il y a des gens qui vont se faire photographier sous l'indication, le poteau qui indique l'allée où Talat Pacha a été assassiné. Et Talat Pacha, donc, qui est sombre figure, hein. Talat Pacha, l'organisateur du génocide arménien assassiné en 1921. Oui. Robert Guédiguian, d'ailleurs, ce moment est très intéressant dans la construction de votre film Une histoire de fou, parce que nous sentons que cet attentat, cet assassinat de 1921, mais qui met en place une notion, celle de crime contre l'humanité, et l'amorce de celle de génocide, et c'est très important, est un moment très court, parce que votre film reprend dans les années 80. Donc, il faut attendre très longtemps pour que, de nouveau, l'action revienne. Oui, oui, mais c'est cette première génération dont on parlait tout à l'heure. C'est vrai qu'elle n'est pas... Elle est, quand je disais qu'elle se taisait, elle s'est tue dans les familles. Mais évidemment, il y a eu des circuits militants qui ont immédiatement travaillé. Là, c'était ces assassinats, il y en a eu plusieurs. De dirigeants de l'Empire ottoman qui avaient perpétré le génocide se sont produits dans plusieurs endroits du monde, non, je veux dire à Rome, d'ailleurs même un peu dans le monde entier, plusieurs assassinats comme ça qui ont été tout à fait organisés, financés, préparés. Par le parti d'Achnak, qui était un grand parti arménien de cette époque-là, et donc c'est cette première vague comme ça de vengeance et les circuits militants continuer à essayer d'agir, à trouver des moyens d'agir pour raconter cette histoire et pour essayer de la révéler, j'allais dire, alors que, comme on disait tout à l'heure, c'est vrai qu'après le traité de Lausanne, l'Arménie a disparu physiquement, et j'allais dire a disparu aussi dans l'imaginaire, a disparu sur le plan, puisqu'effectivement il n'avait plus le statut de victime. À la mémoire, ce qui est bizarre, c'est que je pense que la génération d'après a reconstruit quelque chose autour du génocide, mais jusqu'à, c'est évidemment de l'ordre du tragique, jusqu'à considérer que pour un Arménien aujourd'hui, c'est une de ces des jambes sur lesquelles il marche, hein, c'est-à-dire que pour moi, être Arménien aujourd'hui, c'est me battre pour la reconnaissance du génocide, c'est l'Église. L'Église, je dis bien au sens culturel, bien sûr, parce que comme vous le savez, je ne suis pas croyant. Et c'est la langue. Voilà, donc voilà. Vous marchez avec plusieurs jambes, Robert Guédiguian, mais c'est dans le génocide. Et voilà. Donc marcher sur un monceau de cadavres, quoi, c'est quelque chose de quand même de forcément déchirant, quoi. Mais déchirant et essentiel dans la construction de l'identité arménienne aujourd'hui, et c'est cela qui nous intéresse dans le cours de l'histoire, c'est comment a pu se construire cette mémoire. Et Robert Guédiguian, vous évoquiez cette deuxième génération, celle qui témoigne. Eh bien écoutez, nous allons avoir l'illustration de ce témoignage. J'avais 9 ans, j'avais 2 sœurs encore, 3 ans de différence, l'autre aussi 3 ans, j'avais un frère aussi, peut-être 9 ans, plus âgé de moi. Tous ceux-là, ils sont tués. Un de ma soeur, avec ma mère, ils ont brûlé vivant. Nous sommes comme ça, quelques centaines d'Arméniens, parce qu'ils nous ont séparés. Comme les moutons, comme des coupes comme ça, allez hop, par là, l'autre côté. Pendant 1914, quand la guerre est déclarée, il y avait la mobilisation générale. Mon père, il était mobilisé. Il était soldat dans l'armée turque. Malgré tout ça, ils nous ont donné 24 heures pour préparer, pour quitter. Une maison que de au moins 300-400 ans. On a tout laissé, même les animaux vivants. On a tout laissé. Pensez-vous, on a laissé tout ce qu'ils n'ont même pas fermé la porte. Un témoignage sur le génocide arménien diffusé sur France Inter en 1981. Anouche Kunt, dans votre étude sur la diaspora arménienne, ce témoignage que nous venons d'entendre date de 1981. Ce n'est pas la génération directement concernée. Il y avait ce silence. Vous l'avez noté de manière prégnante. Vous avez étudié particulièrement l'entre-deux-guerres. Oui. Alors j'avais envie de, parce que j'ai encore, excusez-moi, j'ai encore dans la voix, dans l'oreille, pardon, la voix de ce témoin qui parle. Ces témoins se mettent à parler dans les années 80. Il est vrai, c'est le moment où on s'intéresse vraiment à eux, à recueillir ce qu'ils peuvent encore délivrer de témoignages sur les déportations. Et souvent, ce sont, ils ont vécu le génocide enfant. Donc ça, c'est important de replacer ce contexte-là de l'enfance comme pratiquement le lieu donc de l'expérience du génocide, et ça va être aussi le lieu du récit qui va en être fait à partir des années 80. Et donc ça contribue aussi à caractériser un peu cette mémoire arménienne qui s'est reconstruite autour des paroles d'enfants, d'expériences enfantines. De rescapés qui n'avaient pas toujours les clés non plus pour saisir véritablement ce qui leur était arrivé. Enfin, c'est compliqué la mise en récit d'une expérience pareille par un enfant. Et bien souvent, ces orphelins, manquaient d'éléments sur leur propre famille, n'avaient plus leur véritable nom de famille. Donc voilà, c'est une mémoire qui s'est reconstruite sur une série de blancs, d'inconnus, de silence en effet. Et qu'il faut relier à ces expériences enfantines. Et puis qui peut être lié aussi à des actions. C'est ça qui peut être intéressant dans la volonté, donc déjà de se souvenir, de reconstruire une mémoire du génocide arménien, et puis surtout que ce génocide soit reconnu, ce qui devient une véritable quête dans ces années 1970-1980. C'est au cœur aussi de votre réflexion, Robert Guédiguian. La lutte pour faire reconnaître le génocide. Oui, c'est vrai que la génération des années 80 décide de se battre, en fait, les armes à la main pour que ce génocide soit reconnu. Elle, bon, en étant extrêmement consciente que, vous savez, il y a eu un coup d'État donc là, en Turquie, donc en étant vraiment liant de manière tout à fait, faisant l'amalgame total entre cette lutte-là et la lutte contre le fascisme turc. Et la lutte contre le fascisme international, c'est-à-dire ce qu'on appelait la ZALA, mais il y avait aussi d'abord, la ZALA étant d'ailleurs des dissidents d'un groupe de Dachnak qui était passé à l'action armée aussi, il n'y a pas eu que la ZALA était plutôt tendance, on va dire, communiste, quand les Dachnak étaient en droite ligne des Dachnak historiques. Donc ils se mettent ils décident de passer effectivement à cette forme de lutte armée, au terrorisme international de ces années-là, parce que ça leur semble le seul moyen effectivement d'obtenir une réparation, une reconnaissance, même plus qu'une reconnaissance. Hein, je veux dire, à ce moment-là, il y a des questions aussi de, pour eux peut-être de récupérer certaines terres. Enfin, il y a tout ce combat-là. Ils se battent d'ailleurs aux côtés des Kurdes qui eux aussi ont été avaient été très, on s'était occupé d'eux à Sèvres et on les a complètement oubliés à Lausanne. Bon, donc il y a tout un combat aussi internationaliste autour de ces questions-là. C'est quand même la période, ce qu'on appelle les années de plomb. Hein. Et donc les revendications pour la reconnaissance du génocide par les Arméniens à ce moment-là sont très très liées à un mouvement révolutionnaire international. Ils sont très liés aux Palestiniens. Ils s'entraînent dans les camps palestiniens, etc., etc. Voilà. Ça, j'ai connu ce moment, moi, de très près. C'est ma génération. J'ai beaucoup d'amis qui ont participé, d'amis très proches. Hein, et je crois que c'est un mouvement qui, quand il a été... qui parfois, c'est pour ça que je partais de Télérien dans le film, qui parfois, quand il a été très ciblé, a été juste, je peux le dire comme ça. Et puis après, évidemment, comme souvent dans les mouvements terroristes, il y a eu des dérives absolument terribles que tout le monde a condamnées, y compris la communauté internationale arménienne, y compris, et moi en premier, bien sûr. La SALA, l'armée secrète arménienne de libération voilà, de l'Arménie, avec Robert Guillaume. Mais je peux ajouter juste un mot. C'est vrai qu'aujourd'hui, je suis obligé de dire, de constater, donc comme si j'étais un historien, que sans ce mouvement-là, je crois que l'affaire arménienne était pliée. C'est exactement voilà. Ce que je voulais vous poser comme question, parce que c'est ce que vous montrez dans Une histoire de fou, c'est absolument incroyable de se dire qu'en 1921, effectivement, il y a l'acte d'un homme pour faire reconnaître, ou en tout cas pour montrer qu'il s'est passé quelque chose. C'est oublié, il y a des actions pendant les années 20, 30, 40, 50, 60, il ne se passe rien, 70... Et quand les premières bombes explosent, c'est en tout cas des attentats ciblés contre des négationnistes de ce génocide, ça y est, la communauté internationale se réveille. Il y a quelque chose d'extrêmement difficile à comprendre aujourd'hui, Robert Guédiguian, surtout dans la période que nous traversons, de se dire que des attentats terroristes ont pu éveiller les consciences. Oui. Et ont abouti au fait que le génocide soit reconnu. C'est un paradoxe incroyable, mais c'est l'histoire. Tout à fait, mais c'est vrai que ça, il faut avoir des, il faut parler des choses. En fait, il faut les comprendre. Donc, ça veut dire prendre tous les tenants et aboutissants de toutes ces histoires-là, les considérer avec beaucoup de d'intelligence et de regard. J'allais dire attendri parfois, parce que c'est vrai que, je dis franchement d'ailleurs, j'étais pas favorable à ce mouvement quand il a eu lieu, pour des tas de raisons, mais en fait ce serait trop long, mais évidemment, et les dérives, plus personne n'en était favorable. D'ailleurs, la Zala est morte de sa belle mort parce qu'elle il y a eu une scission entre les durs qui voulaient mettre des bombes partout à tort à travers, et ceux qui ne prenaient que des attentats très très ciblés sur des représentants de l'État fasciste turc. Il faut toujours ajouter fasciste turc, ce qui est avéré à ce moment-là. Il y a eu une scission, ils se sont même un peu entretués. C'est le mouvement s'est éteint comme ça, mais il a servi à remettre en lumière en fait ce déjà vieux génocide et cette revendication et ce rapport à la Turquie. Après, la stratégie des Arméniens est devenue une stratégie, on va dire, d'encerclement diplomatique, c'est-à-dire que depuis, les Arméniens du monde entier, dans n'importe quelle commune, aussi petite soit-elle, dans n'importe quel lieu public, essaient de faire en sorte que le génocide soit reconnu par le plus d'instances publiques dans le monde. Des départements, des petits villages, évidemment des États, l'Europe, enfin le pape a reconnu le génocide, etc., etc. On est en train de vivre un moment où je crois que dans quelques années, il n'y aura que la Turquie qui n'aura pas reconnu le génocide, ce qui est une situation, si elle n'était tragique, ce serait drôle. Robert Guédiguian, et puis je précise de nouveau que votre propos concerne ces moments de l'action de l'armée secrète arménienne de libération. Donc nous sommes dans les années 1980 et c'est vrai qu'il y a des tensions vives aujourd'hui dès qu'il est question du génocide arménien, de sa négation, avec pour toute cette réflexion un contexte international qui doit être à chaque fois précisé. Anoush Kunt, dans cette réflexion, ne serait-ce que sur le mot génocide et sur l'histoire même de la reconnaissance de ce génocide, il y a un moment clé, c'est 1945, c'est le procès de Nuremberg, au moment où est théorisé, mise en œuvre toutes ces réflexions de crimes contre l'humanité, de génocide, où les Arméniens se rendent compte qu'en fait, ce qui est en train d'être dit les concerne, eux aussi, dans le passé, quelques années plus tôt, en 1915. Oui, bien sûr, c'est un jalon important et c'est pour ça qu'il faut bien situer donc cette décennie du noir du terrorisme arménien dont on parlait. Elle est quand même précédée d'un certain nombre d'évolutions et de manifestations silencieuses, pacifiques. On peut pas dire qu'elles n'aient pas porté leurs fruits, elles non plus, lorsque les premiers rassemblements d'Arméniens de la diaspora ont lieu dans toutes les grandes métropoles, mais aussi en Arménie même, en Arménie soviétique, pour commémorer le génocide. Les premiers rassemblements publics ont lieu en 1965, et tout ça, ces rassemblements eux-mêmes sont précédés de la redécouverte ou de la découverte, la compréhension du concept de génocide qui permet de cristalliser les revendications et de les mettre en commun donc autour de ce mot nouveau qui a été forgé par Lemkin, Raphaël Lemkin, un juriste juif polonais qui dès 1900, dès le procès Télirien, donc s'est intéressé au cas des Arméniens et comprend qu'il manque un concept pour juger de ce type de crime d'État. Et sa pensée aboutit donc à la en 1943 à la formation de ce néologisme et ce mot est mis en circulation lors du procès de Nuremberg qui s'ouvre en 45. Et là, un intellectuel arménien, un journaliste qui s'appelle donc Charvash Misakian suit de près les débats, tout ce qui circule autour de Nuremberg et donc découvre l'existence de ce terme. Et aussitôt s'en empare pour l'expliquer à ses compatriotes. Hein. Il le signe un éditorial dans lequel il se livre vraiment à une exégèse du terme en disant voilà, il y a un mot nouveau là, à la fois c'est un petit phénomène dans l'ordre des mots et dans l'ordre de la pensée juridique et il explique pourquoi. Il dévoile la portée politique de ce terme en disant que c'est le mot qui véritablement a manqué lorsqu'il a fallu se retourner sur ce que les Arméniens avaient subi durant la Première Guerre mondiale, lorsqu'il a fallu juger, parce qu'il y a eu une tentative, enfin il y a eu des procès quand même qui se sont tenus en Turquie en 19. Et donc il a manqué néanmoins ce mot pour que le processus aboutisse et il comprend bien que sans volonté politique s'il n'y a pas une volonté politique pour faire émerger certains termes, un certain concept, eh bien le processus avorte. Donc il aboutit beaucoup plus tard et donc avec la mise en circulation de ce mot qui va ensuite être retenu en 48 par la convention de l'ONU qui définit donc le génocide pour la première fois. Et là, donc les Arméniens trouvent un terme universel pour nommer effectivement le malheur qui les a frappés. Et ils se réunissent autour de ce terme et qui est porteur de leurs revendications. Et c'est le moment aussi où donc, comme je le soulignais tout à l'heure, les commémorations du génocide qui jusque-là étaient discrètes avaient lieu souvent dans les églises, en tout cas sans expression publique. Eh bien, elles commencent à partir de 65, donc c'est le cinquantenaire du génocide. Elles sont désormais, elles s'accompagnent de défilés. Il y a une sortie des Arméniens sur la place publique avec leurs revendications et qui deviennent audibles. Donc c'est aussi ce processus qui s'accompagne des premières recherches, des premiers travaux, des premières élaborations d'un savoir, parce que la mémoire, elle a besoin de s'accrocher à des connaissances et jusqu'à présent, elles avaient été très difficiles à élaborer en fait. Hein, faut imaginer tout ce déficit cognitif autour de ce qui s'était passé. Et là, tout ça s'articule et c'est vrai que du coup, on peut parler. Évidemment, il y a ces actes terroristes qui surviennent dans un peu plus tard, donc parce que la situation est quand même sclérosée avec la Turquie. Mais il y a différents processus qui engagent la communauté arménienne de différentes manières et puis autour des Arméniens, de plus en plus intellectuels, des juristes, des penseurs, des militants. Enfin, il y a une diversité d'acteurs qui entrent en scène et qui permet à cet événement de prendre une épaisseur, y compris dans le champ académique, petit à petit. Alors ça a été difficile, mais voilà, c'est un processus qui aboutit, par exemple, aujourd'hui à l'enseignement dans les programmes du secondaire. de ce crime. Et dans ce long processus, d'ailleurs, Anoush Koun, dans ce long processus, il y a donc celui de la mémoire, de l'histoire aussi, le travail, le droit. Ça y est, le crime est là, il est identifié, il a un nom, c'est le génocide, c'est le crime contre l'humanité. Et au moment où certains de la SALA, l'armée secrète de libération arménienne, font des attentats, eh bien ce sont des avocats plutôt à droite, bien à droite, qui vont défendre ces gauchistes. C'était un paradoxe parce que, bon, pour dire les choses, moi, je suis un homme politique de droite. J'étais à la même époque l'avocat de Jacques Chirac. Et je défendais des gens dont je savais que pour un grand nombre d'entre eux, ils étaient communistes. Bon, c'était pas du tout mes idées. Mais leur combat était le mien. Je ne voulais pas, et je ne me sentais pas le droit d'entrer dans le débat et la connaissance de leur engagement politique. J'étais dans leur combat, pas dans leur engagement politique. Patrick Devedjian, oui, Patrick Devedjian, avocat, donc plutôt à droite, il le dit lui-même, qui défend ceux qui ont pu commettre des attentats, qui eux étaient plutôt communistes. C'est un extrait du film L'armée secrète arménienne, La Sala, un documentaire qui a été diffusé sur France 3, un film d'Audrey Valtille. Robert Guédiguian, bien sûr, nous allons dire, Patrick Devedjian, communauté arménienne, il défend également des Arméniens. Mais nous sentons bien que c'est beaucoup plus large, nous sommes sur des questions de crimes contre l'humanité, qui dépasse la question même de temps, c'est imprescriptible, et qui dépasse même les choix politiques. Oui, bien sûr, bien sûr. Moi, j'ai connu Patrick Devedjian dans différentes manifestations, et même lors de l'écriture du film que j'ai fait sur cette question, en fait, où on m'avait envoyé quelques textes, enfin bon, voilà. C'est vrai qu'on était, je crois qu'on est en deçà ou au-delà. Alors, dans l'analyse, non, parce qu'ensuite, les raisons, effectivement, puisqu'il y en a, les raisons du génocide sont des raisons politiques. Là, il convient de parler de politique quand on analyse les raisons, les mécanismes de déclenchement, etc., etc. Après, pour la reconnaissance, en fait, d'un génocide, pour son analyse, etc., je crois qu'on dépasse les clivages. On est dans la morale, dans la justice universelle, on est dans des choses qui sont, si j'ose dire, au-dessus des lois traditionnelles de la politique de droite ou de gauche. Oui, parce que dans cette histoire de la diaspora arménienne que vous avez étudiée, Anoush Koun, il y a donc un point de départ qui pourrait dire une diaspora divisée selon que l'on soit arménien, russe, plutôt du côté ottoman. Cette diaspora s'unit. Elle s'unit uniquement autour du génocide. Le génocide est essentiel, la mémoire du génocide bien sûr, mais il n'y a pas que ça. Il y a également d'autres aspects qui se construisent, celui de la patrie perdue, celui d'une mémoire collective. Oui, tout à fait. Ben, c'est le propre d'une diaspora que d'avoir un certain nombre de référents communs. Donc c'est voilà les communautés qui sont dispersées, qui forment comme un archipel en fait, une sorte d'archipel à travers le monde, mais qui dont les membres sont reliés par une diversité de liens à la fois réels, symboliques, des liens familiaux et puis des récits. Alors il y a bien sûr le récit de l'événement fondateur. Ce récit est construit sur la durée. Parce que l'événement fondateur de la dispersion, qui est pour la plupart donc le génocide et puis l'expulsion ensuite de la Turquie kémaliste. Donc ce récit-là va se mettre en place sur la durée. Et dans l'extrait que vous avez lu au tout début, où il y a cette femme d'origine arménienne, mais de l'Arménie russe, hein, qui a un père russe d'ailleurs, elle dit que le jour où elle comprend qu'elle est arménienne, elle se sent proche de l'histoire du génocide, alors même que, elle le dit bien, dans ma famille, on n'était pas concernés, puisqu'on était dans une autre Arménie, dans un autre empire. Et malgré tout, malgré ces différences, il y a une sorte de voilà, il y a une unification des récits, des mémoires, et puis le partage de référents religieux, de tout un patrimoine culturel, immatériel, d'une littérature, voilà. Et la mémoire arménienne est faite de beaucoup de choses. Vous avez eu des intervenants là précédemment qui ont évoqué une histoire de très longue durée, tout voilà, avec un patrimoine culturel marqué. Enfin, tout ça nourrit aussi cette mémoire. Et quand on parle de mémoire, quand on la relie à la question du génocide, là, on la trouve blessée. Hein, il y a vraiment cette blessure. C'est vraiment l'endroit où cette mémoire souffre parce qu'elle est confrontée à ce négationnisme turc qui reste malheureusement très virulent dès lors qu'il est assumé par un État. Hein, c'est la singularité de ce négationnisme que d'être à ce point porté par un État avec tout l'appareil, tous les relais dont dispose un État pour mettre en œuvre cette idéologie-là. Donc des relais aussi bien économiques, politiques, diplomatiques, culturels, enfin voilà, tout est à sa disposition pour activer les leviers de cette idéologie mortifère qui sans cesse réactualise cette figure de l'ennemi arménien qu'il est juste d'anéantir au fond. Hein. Donc c'est ça dont souffre cette mémoire qui, à d'autres endroits, est très vivante, mais qui, là, effectivement, hantée par des fantômes qu'elle ne parvient à apaiser. Oui, et puis, toujours quelque chose qui est difficilement compréhensible, mais que l'on comprend en même temps, dans ces deux sens du mot comprendre, Robert Guédiguian, vous nous l'avez dit, bientôt, il n'y aura que la Turquie qui ne va pas reconnaître le génocide arménien. Il est presque épuisant de lire les ouvrages, les travaux, et puis même si l'on veut aller plus loin, les témoignages, et de voir la construction politique de la négation d'un génocide. C'est-à-dire que pour construire l'avenir, nous savons tous qu'il faut quand même se réconcilier avec son propre passé, se réconcilier au sens de l'assumer, le comprendre, et ne pas juger particulièrement nos ancêtres. Mais cette volonté de ne pas regarder le passé crée toujours cette plaie qui est continue dans l'histoire de l'Arménie, des Arméniens. Mais je dis souvent que j'ai souvent dit que le jour où la Turquie reconnaîtrait le génocide arménien, ce serait un jour évidemment fondamental pour les Arméniens, mais ce serait un jour très très heureux pour la Turquie aussi. Parce que vraiment, ce serait le signe, c'est devenu le signe de la possibilité de la possibilité d'un changement en Turquie. Ce serait plus la même Turquie. C'est devenu quelque chose, je pense, d'aussi symboliquement fort pour eux de ne pas le reconnaître que pour nous qu'il soit reconnu. Il y a quelque chose là, des propos récents, hein, je veux dire, qu'on a pu trouver dans le conflit du Karabakh, là, depuis quelques semaines. Ils sont absolument, ressemblent absolument, presque mot pour mot, à des phrases qui ont été prononcées au moment du génocide en 1915. Donc il y a quelque chose là de tout à fait bloqué. Et bloqué d'une manière aussi où quand même le continue à trouver, bien entendu, à penser que le reste du monde ne fait pas grand-chose, quoi. Hein, c'est juste un mot sur le conflit du Karabakh. C'est vrai qu'il y a un groupe qui travaille sur ces questions-là depuis 94. C'est incroyable de ne pas avoir résolu ou posé les bases d'une résolution de ce conflit avant que ça se termine, comme c'est en train de se terminer en ce moment. Enfin, ce n'est pas terminé d'ailleurs, puisque les conflits ne sont jamais terminés comme ça. L'histoire nous apprend que quand il n'y a pas eu la réconciliation, je reprends le mot que vous avez utilisé, les choses ressurgissent de génération en génération. Les guerres, sitôt commencées, ne se terminent jamais. Elles se terminent le jour où il y a effectivement une réconciliation, une paix, un compromis, au sens le plus noble du terme. Et là, les choses s'arrêtent, mais le conflit du Karabakh ne s'arrêtera pas là, en ce moment, même si aujourd'hui, ils ont perdu. Très important à souligner, Robert Guédiguian, les guerres ne s'arrêtent jamais. Et dans la construction de l'identité arménienne, nous l'avons évoqué, il y a évidemment le génocide. Et puis il y a la lutte pour la reconnaissance du génocide. Et les combattants eux-mêmes deviennent porteurs de l'identité arménienne. Un exemple quand il est question de Monte Melkonian. Il y avait un être exceptionnel, bien qu'on va dire tous l'étaient, mais lui... Exceptionnel, c'était Monte Melkonian, un Arménien des États-Unis, un ancien de la Zara, qui, après avoir purgé 4 ans de tôle en France, s'est démerdé pour rentrer en Arménie et participer au combat de la guerre de libération. Et c'est devenu une légende vivante. là, des gars. Les gens là-bas se sentaient en sécurité quand il était là. Même quand ça bombardait vraiment très dur, sachant que Monté était là, il y avait, les gens étaient apaisés. C'était une revanche qui était prise sur l'histoire. Et on a gagné là-bas au Karabakh. Stéphane Indegian, qui est un journaliste, hein, qui évoque Monté Melkonyan, mort en 1993. C'était dans un documentaire, j'ai rêvé, d'Arménie. Robert Guédiguian, cela fait aussi partie de l'identité. Les combattants qui ont lutté pour faire reconnaître le génocide, qui ont lutté au Haut-Karabakh, deviennent des héros arméniens. C'est-à-dire que l'identité s'alimente sans cesse de nouveaux héros. Oui, oui, mais toutes les causes ont besoin de... j'allais dire de chansons, d'oriflammes, de textes, de d'éléments comme ça qui la galvanisent, et donc et de figures héroïques. Moi j'ai moi-même, je dis, un ami de qui était au lycée avec moi et qui est aujourd'hui colonel en Arménie, qui au moment de la Zala effectivement a fui la France parce qu'il était condamné ici par contumace. Et qui est parti en Arménie, et qui est parti ensuite sur le front du Karabakh, qui a eu de nombreuses victoires, donc nous étions au lycée ensemble, et quand je le vois avec son costume militaire bardé de médailles, bon, évidemment je souris avec beaucoup d'affection, et j'ai beaucoup d'admiration pour lui, et il est là-bas en ce moment d'ailleurs comme vétéran en train d'essayer de s'occuper effectivement de ce qui se passe là-bas. Et il est effectivement au musée des héros de l'Arménie. Voilà, il s'appelle le colonel Ofsep. Et nous étions en seconde ensemble au lycée Victor Hugo à Marseille. Oui, une histoire qui relie les uns et les autres, une histoire qui est sans cesse en construction. Merci vivement Robert Guédiguian pour ce témoignage et cette analyse, et merci aussi à vous Anouch Kount. Et je rappelle, un exil arménien du Caucase à Paris, 1920-1945, c'est publié chez Belin. Merci beaucoup à vous deux pour nous avoir donné vos voix. Oui, les voix du génocide arménien. Il est l'heure dans le cours de l'histoire de retrouver Anaïs Kien avec son journal de l'histoire. Bonjour Anaïs Kien. Bonjour Xavier, bonjour à toutes et tous. Alors ce matin dans le journal de l'histoire, le célibat est une histoire et une actualité. Rester avec les siens, Noël en famille. En France aujourd'hui, il y a pourtant plus de 10 millions de célibataires et les politiques publiques restent entièrement tournées vers un familialisme entêtant. L'historien Romain Huret, spécialiste des États-Unis, publie de curieuses archives sur son fil Twitter. Elles ne sont pas étranges parce qu'elles montrent de l'extraordinaire, du bizarre, de l'indécent, quoique, mais parce qu'elles montrent une réalité qui fait craquer les coutures du discours quotidien sur ce peuple à gouverner, celui qu'on invite à rester en famille en période de crise, ce repli élémentaire avec ceux qui partagent votre vie. Sur la première image, horrifiante, on voit une manifestation de célibataires demandant le licenciement des femmes mariées en 1933 à Boston. La deuxième image est une planche de photos qui décrit non pas le rêve américain de la famille unie face à l'adversité, mais une série du photographe Russell Lee dans le Michigan qui montre la misère des anciens mineurs en 1936, célibataires pour la plupart, vivant dans des shacks, des habitations de fortune, loin du modèle familial promu par les New Dealers, qui promettait une sortie de la Grande Dépression. Ces photos ne seront jamais publiées. Que le célibat soit choisi ou pas, le mariage reste la norme d'évaluation de toute expérience sociale, et pas seulement pour le mythique cow-boy américain solitaire que l'on pourrait retrouver sans forcer dans l'enquête de Pierre Bourdieu sur les agriculteurs célibataires du Béarn depuis les années 60, le bal des célibataires. Well, a single man goes wild and crazy on Tuesday night, stays out till 2 a.m. and don't think twice, burns through money and his pickup lines. Selon Romain Huret, depuis 40 ans, le nombre de célibataires n'a cessé d'augmenter. En France comme aux États-Unis, ils sont les principales victimes des vulnérabilités contemporaines en raison de la primauté accordée aux familles traditionnelles. par un faisceau de discrimination discrète, de l'accès au logement en passant par les contrats d'assurance ou les frais de transport, l'accès à la contraception, le bénéfice des droits sociaux. Il existe une prime invisible pour les familles traditionnelles, légitimant ainsi l'ordre matrimonial. Et ces dispositifs sociaux ne doivent rien au hasard. Ils sont ancrés dans des pratiques anciennes, profondément enracinées dans l'ordre matrimonial construit tout au long du XXe siècle. Dans une tribune publiée dans Libération lors du grand débat organisé par le gouvernement en 2019, l'historien appelait à prendre en compte cette catégorie des célibataires dans une réflexion sur la force de l'ordre matrimonial et son inadéquation avec les nouvelles configurations sociales pour poser les bases d'une société plus égalitaire, bref, enregistrer le changement dans le logiciel du bon gouvernement. Ce qui frappe, ce n'est pas la nouveauté des faits, mais leur accumulation et leur convergence avec les indices de précarisation sociale, économique et pourquoi pas affective. La grande nouveauté du deuxième confinement, signalée par Courrier International au titre de la reconnaissance des besoins essentiels, les Belges reconfinés peuvent déclarer un Knuffel contact, littéralement leur contact câlin, c'est-à-dire une seule personne qu'ils ou elles ont le droit de fréquenter en dehors de leurs cohabitants. Les personnes vivant seules ont droit à deux Knuffel contacten. Une mesure initiée aux Pays-Bas et au Danemark, qui indiquait même dès le printemps que les relations sexuelles, dans ces cas déclarés, étaient autorisées. Un progrès timide, mais certainement bienvenu, en attendant mieux. En attendant mieux, merci beaucoup Anaïs qui en retrouve le journal de l'histoire et tous les liens utiles sur le site franceculture.fr et sur l'application Radio France. C'était le cours de l'histoire sur France Culture, une émission réalisée par Milena Hellig avec aujourd'hui à la technique Clara Galivelle et Jean Frédérics. Une émission préparée par Marion Dupont, Toscan Viudas, Odile Jouessel, Valentine Lovrins et Maïwen Guizhou. Et j'ai le temps de vous dire que le jury du prix du Sénat du livre d'histoire, présidé par monsieur Jean-Noël Jeannonet, donc un bon président, a couronné cette année Pascoa et ses deux maris, une esclave entre Angola, Brésil et Portugal au XVIIe siècle, un livre de Charlotte de Castelnau, L'Étoile. Charlotte de Castelnau-Nétoile que nous avions reçue dans le cours de l'histoire pour nous parler de ce livre qui avait déjà été couronné du prix lycéen du livre d'histoire au rendez-vous de l'histoire de Blois, comme quoi le livre doit être très bien. Non mais nous cherchons tous en ce moment des cadeaux de Noël pour la jeunesse. Bah ouais, là il y aura le Sénat et le prix de Blois. Toutes nos émissions ainsi que celles d'aujourd'hui, les précédentes, sont à écouter et à podcaster pour la balado-diffusion sur franceculture.fr et sur l'application Radio France. Demain, nous poursuivons le cours de l'histoire. Demain, nous allons nous intéresser à Staline et au livre noir. Oui, le livre noir pour la persécution des juifs du RSS.